Et en ce premier samedi du mois d'août, nous continuons à nous balader avec les guides balado et Jean-Michel Maman qui nous a retrouvés. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Miguel. Dans Bleu Nature, on se balade tout l'été et là nous partons en Languedoc-Roussillon. Exactement, mais je vous amène en forêt. Et là, la journée commence par une randonnée au départ d'Ispagnac. Alors Ispagnac, pour vous situer, c'est à 200 et quelques kilomètres de Montpellier. Donc on est en Lozère plus précisément. On va emprunter un chemin qui serpente sur la rive gauche du Tarn en passant par Quézac. Tout le monde connaît. Forcément, hein, on fait mais, pas de pub. Hein. Voilà, mais pas uniquement pour ses eaux thermales, minérales plutôt, mais aussi pour sa collégiale et son pont. Donc, c'est une balade qui va vous amener tout en haut des cimes. C'est-à-dire ? Puisqu'au bout de cette petite promenade, Didier Azéma, qui est donc votre guide, connaît un petit coin de forêt, encore sauvage, vous allez passer la nuit. Ça me paraît intriguant cette histoire. On dort dans les arbres, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Vous allez grimper. D'abord, vous allez choisir deux arbres espacés d'environ 3 mètres, entre lesquels il va falloir installer votre hamac. Et vous allez le faire vous-même. Hein. Il ne s'agit pas de regarder Didier faire. Ah, on est obligé d'installer soi-même son couchage. C'est tout l'intérêt de cette balade. C'est que vous allez être équipé d'un baudrier. Oui. Et la fosse longe va vous permettre de grimper de branche en branche et ensuite vous progressez donc tranquillement et à hauteur voulue. On va déjà attacher son hamac d'un côté et on va se laisser balancer jusqu'à l'autre arbre qui est donc espacé d'environ de 3 mètres pour accrocher le hamac de l'autre côté. Mais on est à combien de hauteur ? Oh, ça doit représenter bien une petite vingtaine de mètres. Hein. Quand même. Oui, c'est alors, assez haut. Pour moi qui ai le vertige, c'est pas possible. C'est un peu déconseillé. Oui. Mais encore que, si je me trompe pas, le vertige, on l'a avec les pieds sur terre. Alors non, je suis attiré par le vide, pardon. Voilà. C'est ça, l'inverse. Donc, vous allez pouvoir installer tranquillement votre hamac. Donc, une fois que votre couchage est prêt pour la nuit, là, on redescend d'abord tranquillement. Et on va quand même faire un petit pique-nique. Sur la plage, bon, puis c'est quand même Languedoc-Roussillon sans la plage, c'est un peu difficile. On fait connaissance avec ben, le groupe également. Et c'est très convivial. Hein. Oui, c'est très convivial et puis ça dure 24 heures, hein, toute cette expérience. Et le soir venu, vous remontez chacun dans votre arbre, tout du moins dans votre hamac. Et là, vous êtes blotti dans un duvet. Il faut savoir que vous avez quand même une corde de sécurité qui reste attachée. Heureusement. Hein, parce qu'en cas de sommeil agité, il ne s'agit pas de se retrouver en bas. Vous vous endormez bercé par le bruit des chouettes et des castors qui construisent un peu plus bas leur petit maison. Voilà, leur petite maison sur le Tarn. Et alors, ça coûte combien cette super balade dans les arbres ? Ça a un petit prix puisque c'est quand même 24 heures. Il y a vraiment une prise en charge. Il faut compter 100 euros par personne, mais ça inclut la randonnée et le bivouac. Et si vous le souhaitez, c'est pour 230 euros. C'est avec hébergement la veille et le repas. On peut y aller en famille ? On peut y aller en famille. On conseille d'y aller avec des enfants qui ont 8 ans et plus. Ça se trouve où ? On rappelle exactement ? Ça se trouve donc à Ispagnac et c'est une activité qui se pratique de mai à juin. Donc il va falloir un petit peu patienter, mais c'est bien de le prévoir pour l'année prochaine. D'accord, vous en souviendrez, retenez-le, allez faire un tour sur balado.fr pour les informations. Merci Jean-Michel, ou un petit tour sur francebleu.com. Merci, puis ben, bonne grimpette et bonne balade à tous. Merci.